Aquesta que acabem d'escoltar és possiblement la seva cançó més coneguda, aquesta peça en la qual doncs, ens participava un home i una dona des del film anomenat així, també Man and a Woman del 1966 de la banda sonora, aquell Today It's You, Pierre Barou l'acompanyava també en la seva versió en francès, l'acabàvem d'escoltar. Altres cançons de la seva carrera que podríem escoltar i reconèixer com de les millors són les dues següents que escoltarem, com per exemple aquest tema anomenat Telephone Moi. C'est décidé, cette nuit je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. J'ai besoin d'entendre ta voix. Le courage me manquait de moi. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Téléphone-moi, au prochain printemps, il faudra me faire un enfant. Je me sens vide tout au fond de moi. Pour le quitter, pour courir vers toi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Le courage me manquait de moi. Rassure-moi et dis-moi que tu m'aimes.

o moltíssimes altres formacions, Lunes Matub, Enrico Macias i altres noms. En aquest cas anem a recuperar un duo, ell canta en àrab, però amb un dels grans en el seu moment del hip-hop a França, un hip-hop a més molt agressiu i molt reivindicatiu sobre les llibertats de les minories o sobre les discriminacions o tots aquests temes, doncs que la música també pot expandir. El resultat és Shemami amb Kamel i un tema, un clàssic, que és Parisien du Nord. Et revoilà. Le trio pour le remix Sahab la Chichi. Imhotep Mami Kamel. Et on y va. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, ou hakedan, mais tu es bien ma hakedan. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, ou hakedan. العبت هذه يا هكذا عليهم شي كرتونيك وقلت اترونجي وهذا يا ماما كنت حاسب في بلاديك وهنايا نموت يا ماما عليهم شي كرتونيك وقلت اترونجي وهذا يا ماما كنت حاسب في بلاديك وهنايا نموت يا ماما كوم سا فو مافي تخاي كوم سا وهكذا العبتو هذه هكذا كوم سا فو مافي تخاي كوم سا وهكذا العبتو هذه هكذا ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبو هاي بورتو زايد هنا وهذا الشي حرام ويا ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبو هاي بورتو زايد هنا وهذا الشي حرام ويا كوم سا فو مافي تخاي كوم سا وهكذا العبتو هذه هكذا كوم سا فو مافي تخاي كوم سا هكذا العبتو هذه هكذا Parisien du Nord, clan de d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le padré qui a taffé ramé pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. J'suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané. Et pour les jeunes c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses. De vocation, la leçon à en tirer c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je vois les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je vois des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire, quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire. Allez, ouais, j'ai cartonique, goûte étrange, j'ai hâte. Quand tu as cette bibliothèque, ouais, les gars, elle m'a tout y'a. Allez, ouais, j'ai cartonique, goûte étrange, j'ai hâte. Quand tu as cette bibliothèque, ouais, les gars, elle m'a tout y'a. La música que ens aportava en Shemami amb Kamel i la recomanació per aquesta setmana de Ciril Torres dins el nostre programa. Recte final ja del nostre espai, darrers minuts que compartirem també amb altra gent excel·lent que ens vol acompanyar a través del nostre programa. És la música d'Indila. Avui la escoltarem també a través del Mini Wall, l'àlbum que va publicar el 2014, del qual es poden extreure excel·lents cançons. Avui vull que escolteu un parell de temes d'aquest àlbum d'Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro, je déambule. seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Artista jove, una excel·lent vocalista que avui també ens acompanya a través del nostre programa. Aquesta noia anomenada Indila, Indila Seraya, va néixer el 1984, un 26 de juny, a París, a França, i ens aportava, a través de la seva música, excel·lents en temes que ens aportaven amb el seu primer àlbum, Mini Wall, triple platí a França i or a Bèlgica, amb més de 266.000 còpies venudes el juliol del 2014. Després es va fer també una edició de luxe d'aquest àlbum. És la companyia de les cançons, dels senzills, com aquest SOS, aquest SOS, que el 2002 ens va portar també com a senzill d'aquest àlbum. Escoltem, de fet, els tres que van sortir d'aquest disc amb el programa d'avui. Aquest Dernier Dance era el número 2 a França, va ser el 2013, número 5 a Bèlgica i número 8 a França, aquest SOS que escoltarem, i també Tournée dans la vie va ser número 11 a Bèlgica. Així que són les cançons que escoltem amb aquesta jove, increïble vocalista que es diu Indila. Le froid, j'aimerais revenir. Je n'y et la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans. Souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Aquestes cançons i aquesta música posem punt i final aquesta setmana amb el nostre programa en les cançons d'Indila. Ens ha acompanyat ella, la Nicole Abans i en Kenji Girac al principi dels nostres programes i les col·laboracions de l'Àngel Rodríguez i en Cyril Torres. Amb una cançó llegendària de Michel Sardou ens acomiadarem també amb el nostre programa. Serà fins la propera edició d'Olala Music. Que sigueu molt feliços. A reveure. Quelque chose en moi qui vient en un instant de décrocher. Cette église est sordide, sa chorale démodée, ma fiancée debout et fière à en pleurer. Et quelque chose en elle vient de se révéler. Elle est déjà ma femme, elle sent qu'elle a gagné. La mariée, vive la mariée, vive la mariée. C'est elle qui me fera bien sûr tous les enfants qu'il me fallait. Je sais qu'elle en fera des premiers de leur classe, des gamins bien polis, des garçons sans copains. Je sais qu'ils apprendront à s'éloigner de moi, à dormir dans son lit, à pleurer dans ses bras. La mariée, vive la mariée, vive la mariée. Et quand je rentrerai, déçu et fatigué, très fatigué, elle me reprochera les échecs de ma vie et ma tranquillité, ces nuits d'insomnie. Pourtant je suis près d'elle et je lui tiens la main. Dehors il fait soleil et j'entends mes copains chanter.